T'as les mêmes lunettes que Hamza! Tu l'as copié ou quoi? Il a dit quoi, les mêmes lunettes? Les lunettes. Apparemment, t'as les mêmes lunettes que Hamza. Non, j'ai pas les mêmes lunettes qu'Hamza, non. J'ai les lunettes de Kurt Cobain que beaucoup de rappeurs mettent, mais que Hamza, non. Ok, t'as vu le rapprochement? De quoi? Il est vite fait entre Pinkman et Hamza, tu vois. Parce qu'on a les mêmes influences. Et ces lunettes. Ah, parce que je pense que les gens, ils connaissent pas Kurt Cobain. Non, ils connaissent pas forcément Kurt Cobain. C'est les lunettes blanches. Hein. Ouais, c'est ça. Ils connaissent pas forcément. Moi, je connais Paul Naref. Les gars, je suis désolé, mais moi, je vois pas du tout le rapport entre Hamza et Pinkman. Hein. Le rapport. Non, aucun rapport. Non. Ok. Aucun rapport. Ce que je vais te préconiser, c'est rentre, bois un thé. non, sérieux, je vois pas du tout le rapport. Comme Jossman, direct. Mais il y a un fond. Malgré tout, il y a un fond quand même. On peut pas nier. Ouais, peut-être. Vrai. Après, c'est. Ok. Après, voilà. Il m'en reste encore un, mais vas-y, tranquille. Ouais, c'est bon. Il est minuit. On a commencé avec un quart d'heure de retard. Donc, on peut prendre encore quart d'heure de retard. Il n'y a pas de souci. Il n'y a personne après nous. Le dernier que j'ai sélectionné, je pense que c'est une farce. Mais. Vas-y, farçons-nous. Hello, everybody. Le 25e. Je m'appelle Heisenberg. J'ai entendu dire que ce soir vous recevez Jesse. Donc du coup, moi, ça fait longtemps, un moment que j'ai pas vu Jesse. J'avais une question à lui poser. C'est Where is my money? Tu as foutu ma life en l'air avec te mettre, tu fous le bordel, mec. Where is my money? Yeah. Vraiment, tu dois de l'argent, mec. C'est moi le danger. Jesse, t'es foutu, vraiment, Jesse. Vraiment, tu dois de l'argent, donc redonne l'adresse de la radio. Du coup, je vais pas la donner. J'aimerais bien qu'il rentre sain et sauf chez lui, tu vois. Ce serait pas mal. C'est pas à l'abri, il y a bagarre. Non, mais voilà, donc je n'ai sélectionné que 4 là aujourd'hui. Ok. Mais voilà, le dernier ne demandait pas forcément de réponse. J'ai vu ça, ouais. Ouais. Yes. Quelle heure il est là? Il est minuit 2. Ok. Je vais faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit depuis le début. Hein ? Attends, je vais déjà brancher ça avant de faire. Mais avant, j'aimerais pas te féliciter, je suis pas ton prof, mais non, c'est cool. Ta franchise est appréciable, en fait. Ouais. Sauf sur les 1 million et les 5 000, là. Là, on n'a pas été clair. Parce que. Mais sinon, pour tout le reste, ta franchise est appréciable, même sur le quand je te taquine sur les réseaux, etc. etc. Ouais. J'ai rien à cacher, moi. Non. Ça va, Joe. Tu me fais péter le saut comme ça. Non, c'est appréciable. Et puis, je parle polonais maintenant. Et puis, continue dans ton délire. Et puis, ça va percer, quoi. Pense à nous. Normalement, on verra ça. On voit des chèques. On va les cocher, on va les cocher. C'était un mignon. Donc pour tous ceux qui veulent retrouver Pinkman sur les réseaux, vous allez sur YouTube, vous tapez Pinkman, vous allez tomber sur une chaîne, c'est Moula Maker Music. Vous allez directement vous choper tout. Hey, tout est disponible. Attends, Moula Maker, Moula Maker. Pour Moula pour argent. Ouais. Si on revient là, il y a 45 minutes, je suis pas pour l'argent, blablabla. Ouais. Vas-y, je te laisse là-dessus, moi. C'est bon. Moula Maker. Ouais. Non, mais juste que. Il y a 45 minutes, tu disais, moi, je fais pas ça pour l'argent. Je fais pas ça pour l'argent, frère, ne pas faire ça pour l'argent n'empêche pas que quand je sors de la musique sur les réseaux, ça me rapporte. Enfin, sur les réseaux, sur les plateformes, ça me rapporte de l'argent. Même si je fais pas ça pour l'argent, je fais pour que les gens les écoutent. Tu vois. Ouais. Si ça peut faire de l'argent, c'est bien. Exactement. Ouais. C'est ça, en fait. Moi, franchement. Je relève juste. Tu vois ce que je veux dire, hein? Péter leur cheville, hein? T'entends? Bleu. Rive sud, négon. Bref. On va sur YouTube, on tape Pinkman Moula Maker Music sur YouTube. On va sur Instagram, on tape Pinkman Moula Maker, tout attaché. Si vous voulez, il y a Young Supremacy Music, il y a le double L, ça c'est tout l'entourage. Sachez que la chaîne YouTube, elle va bientôt franchir les 500 000 vues, donc c'est du sérieux les gars, c'est du sérieux, d'accord. Il y a Moula Maker, la mixtape, il y a Safe, et si j'ai cru comprendre, peut-être d'autres projets. Donc comme dirait Trill Joyce, il y a 8 mois sur il y a Trill Joyce sur Minimum il y a 2 semaines, il dit No Life, Virgin et Minimum, ça sent l'album ou la mixtape là, non? Ben justement, je vais vous passer les 3 sons. Donc No Life date de 4 mois, Virgin date de 2 mois et Minimum date de 2 semaines. Donc pour Virgin, vous pouvez commencer déjà à vous enjailler parce que c'est un petit son différent. Et puis, voilà quoi. Voilà, coupe, il n'y a que moi qui la coupe. Voilà, donc en tout cas, Pinkman, merci. Merci d'être venu. Mec, il n'a rien compris. L'homme rose. Non, en tout cas, merci d'être venu. Désolé, moi je suis arrivé un petit peu en retard. On a essayé de rattraper un petit peu le temps perdu. Ligament, tu connais. En tout cas, pour tes projets futurs, s'il y a d'autres trucs qui arrivent, tout ça, on se fera un plaisir de t'accueillir pour faire la promo. N'hésite pas à envoyer les sons et tout, tu vois, c'est ce qu'on dit à tous les mecs parce que voilà, cette année, on a essayé de faire quelque chose un peu différent. Tu vois, on amène les gens, tu vois, on les ramène dans notre émission, tu vois. Ouais. Donc, on fait une petite analyse, tout ça, tac, projet. S'il y a projet, franchement, viens nous présenter le projet, envoie-nous 2-3 sons. Nous, tu sauras, on partage les sons, voilà, tant que c'est carré, tu vois, tant qu'il y a quelque chose derrière, il n'y a pas de souci. De toute façon, le plus dur est fait, là, tu vois. T'as déjà décortiqué, donc normalement ça sera qu'une partie de plaisir. Normalement. Donc est-ce que tu as quelque chose à dire avant de balancer les 3 derniers sons et ne pars pas parce qu'après on va faire les petites photos. Allez tout les ça. Bleus. Calme, tu vois. Allez les bleus. Est-ce que t'as quelque chose à dire, je sais pas, pour la suite. Est-ce que t'as un cri de guerre ou j'en sais rien, tu vois. Franchement. Comme je dis gentil. Non, franchement, non. Merci à vous de m'avoir reçu. Après, j'espère que tout va bien se passer pour la suite, pour moi, mon équipe, tout le bordel, et puis que ça va aller. Voilà. Yes. Force à ceux qui vont écouter les sons qui suivent, et puis enjaillez-vous fort. Yes. N'hésitez pas à aller regarder les clips sur la chaîne Moula Maker Music. Les clips sont de qualité. Les clips font des vues. C'est l'un des. C'est quand même. Des clips assez qualitatifs pour la région, faut le dire. Bad. Donc force à toi et tes projets, WL, toute l'équipe, tout l'entourage. Argent. Mais merci d'être venu. On balance No Life, Virgin, Minimum. Et puis, si vous voulez savoir la suite, vous abonnez. Moula Maker Music, Pinkman Moula Maker. Allez vous abonner fort. Voilà. C'est bon quoi. Say this in the car, yeah, this shit for real. By the blind, by the day, by the life, by the show, by the mind. J'ai fini ça, j'ai pas de life. J'ai plus de mind, moins d'amour, mais plus de wine. Tu me dis que t'es occupé, mais c'est rien d'important. C'est le premier toupie que j'allume, il est au carton. Tu fais chaud en boîte, y'a plus personne en sortant. Dans la boîte à gants, ils retrouveront ton corps. Double 07, double 0 sur l'échec. Ne parle pas des autres, mais pas une sorte sur le siège. Toujours à fond la caisse, trop de fumée dans la pièce. J'en rallume un autre, j'ai même plus à qui je m'adresse. J'ai pris de la place dans sa tête, ma target c'est sa schneck. Sa douleur, je suis la coche, je décide quand ça s'arrête. Tu retournes ta veste, mais t'as compris que c'était perdu. C'est seulement quand on arrive que peut commencer la fête. Je fais la sieste, je me déplace dans un jet. Il faut qu'on me compte, toi ton compte est à la diète. Pull up dans le plat, toujours dans le top. Oh sur le net, qui instique mon clap. Regarde le stock, rien ne me stop. Fais-moi un stick, c'est moi après une fuck. Yeah. Pas de blague, pas de taille. Pas de life, pas de show, pas de mind. J'ai fini ce jeu, j'ai pas de life. J'ai plus de mind, moins d'amour mais plus de wine. Walk up at this, la fille se trip, on fait la tic. Fais pas la tisse, walk up at this, la fille se trip. On fait la tic, je fais la tic, on fait sa tisse. Besoin d'une nuit, besoin d'un kiff, besoin d'un tisse. Plus j'avance, plus je me rends compte que c'est dangereux. Je sais pas ce que t'attends, mais je l'avais fait bien avant. J'aime bien ce que tu portes, mais reste sur moi, tu sais que ça rend mieux. J'ai poussé mes couilles et maintenant ça fait des ans vieux. Pas de blague, pas de taille. Pas de life, pas de show, pas de mail. J'ai fini seul, j'ai pas de life. J'ai plus de mail, moins d'amour mais plus de why. S'il y avait un riff pour un bif, on me prenait. Plus d'un missile dans ma collection. Et je suis sûr qu'il n'y en a pas plus de 10 que je connais. Toujours en progression. Cheval sur lequel t'as parié, c'est un poney. Gagner, c'est ma profession. Fuck tous les wax facile pour être honnête. Je gagne au minimum 1 million comme Billy ou comme Tommy à la silicone. Fuck les vipères de deux, j'ai quelques vividors. Même à ta soirée, tu as à domicile des visiteurs. La 25ème, on est là. L'émission spéciale Pinkman jusqu'à minuit, on est un peu débordé. Pas de problème. Big up à Pinkman, big up à toute l'équipe de B-City qui sont venus ce soir. Vous pouvez retrouver les clips sur Moulamaker Music. On va pull up, on va pull up, on va pull up, on va pull up, on va pull up. S'il y avait un riff pour un bif, on me prenait. Plus d'un missile dans ma collection. Et je suis sûr qu'il n'y en a pas plus de 10 que je connais. Toujours en progression. Cheval sur lequel t'as parié, c'est un poney. Gagner, c'est ma profession. Fuck tous les wax facile pour être honnête. Je gagne au minimum 1 million comme Billy ou comme Tommy à la silicone. Fuck le vie, perdre de j'ai quelques vividors. Même à ta soirée, tu as à domicile tes visiteurs. J'plante une sorte du Billy Paul. Bicep à Cendrillon, on m'envoie la pêche comme émoticône. Fuck top dans le poupée, le chauffeur qui s'y colle. Ramasse pas le gobelet, y'a ce qu'il faut pour devenir digital. Les autres, c'est pas trop ma canne. J'prends que des rôles à des gens à ma table. J'aime pas les toits, j'ouvre la porte français. Entre nous, y'a pas de bonjour madame. J'en ai ma boîte, en l'air un what. Même quand j'la fuck, j'ai un Glock à ma droite. J'fais un zine de croix sur la crosse dans ma moite. Dans mes yeux quand je tire sur un wag. Il faut faire tes valises, c'est tout pour le rallye. Y'a yeah, cherche passager, biche, te vois qui balise. J'ai les mains qui salissent, car la vie n'est pas lisse. Yeah. Déjà organique, le bloc est mécanique. Et pourquoi tu paniques? On va décaler. Y'a pas de vis-à-vis, distribue les cartes. Quand je ferme mes yeux, je vois des billets qui s'alignent. Les vendeuses qui s'activent, les haters qui stagnent. J'arrive plus à tenir mes paupières à force. Y'a que le travail de nuit qui rapporte. Bois toi, ton billet, je passe plus les rapports. Pour m'excuser, je vais te baiser à mort. J'suis dans sa tête, j'suis dans sa fenêtre. J'suis dans sa poussi, j'suis dans sa schneck. Uzi pendant la perte, avec sa Uzi ne va la perdre. Est-ce que pour les autres c'est pas trop ma cam? J'donne que des rôles à des gens à ma table. J'aime pas l'école, j'ouvre la prof de français. Entre nous y'a pas de bonjour madame. J'en ai ma boîte, en l'air un what. Même quand j'la fuck j'ai un Glock à ma droite. J'ai un zine de croix sur la crosse dans ma moite. Ferme mes yeux quand je tire sur un wack. La 25ème 22h minuit. On rend l'antenne. Radio Sud. J'évite les pièces où il y a des barreaux. Ma présence fait grimper les tarots. L'état de l'Afrique m'a laissé KO. Caillou palestinien pour péter le carreau. Et j'ai fait le tour de Paname, le tour de la terre. Je connais pas la formule pour mettre le genou à terre. J'ai choix entre le tour de ses fesses ou le creux de son cœur. Baby, je suis un bad man, j'ai dompté mes peurs. Donne-moi tout et tout de suite, papy, fuck un lendemain. Ces bâtards me couperont le bras, pourtant je leur ai tendu la main. Fusée Ariane, fusée Ariane, fusée Ariane, fusée Ariane. L'as de billets violet, ok pour décoller dans ma fusée Ariane. Fusée Ariane, fusée Ariane, fusée Ariane. Pardonne-moi désolé, mais si tu veux décoller dans ma fusée Ariane. Fusée Ariane, fusée Ariane, fusée Ariane. L'as de billets violet, ok pour décoller dans ma fusée Ariane. Fusée Ariane, fusée Ariane. Pardonne-moi désolé, car si tu veux décoller dans ma fusée Ariane. Et tu peux te mettre à m'aimer ou me détester. Moi je prends pas les reins tant que je fais du cash en été. Si je réponds pas c'est que j'ai des problèmes dans la tête. Je suis sur mon canapé, je mettrai pas les pieds dans ta peine. Mais 10 minutes ne cherche pas à savoir ce que l'on fait. On fait du bien, du mal, du bien, on fait. Mais je ne comprends pas pourquoi ce soir je suis menotté. Je suis en pleine tempête, je crois que les flics enquêtent. Raccroche le téléphone, jette la puce à la mer. Je fais tout pour pas qu'il pète la porte, la demeure de ma mère. Je passe de 0 à 100, tu sens la puissance. Tous les jours on se tape pour ne plus être bandit. Pas que l'humanité, c'est qu'il donne la main sur une chaise. Elle te coupera le bras, même si tu l'es dans la main. Fusée Ariane, fusée Ariane, fusée Ariane, fusée Ariane. L'as de billets violet, ok pour décoller dans ma fusée Ariane. Fusée Ariane, fusée Ariane, fusée Ariane. Pardonne-moi désolé, mais si tu veux décoller dans ma fusée Ariane. Fusée Ariane, fusée Ariane. L'as de billets violet, ok pour décoller dans ma fusée Ariane. Fusée Ariane, fusée Ariane. Pardonne-moi désolé, mais si tu veux décoller dans ma fusée Ariane. Radio Sud. Radio Sud. Radio Sud. It's time to cut the lawn. Hands is a hand, take a hey, I cut you off. No, you ain't gonna lie to my face no more. Hit me with a sorry, but I'm sorry. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, give me a Shapiro on the phone, case closed. You should've known that it's bigger than you. You'll never know what I already knew. After everything I already been through. Can't waste no time, pay no attention to you. I said no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, I said no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, really don't care, I'm in love with the island. Rockin' Dior, cause it goes with my diamonds. Got a pink gown, cause to my liar. I'll be on stage when the stadium light up. You should've known that it's bigger than you. You'll never know what I already knew. After everything I already been through. I can't waste no time, pay no attention to you. I said no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. To be honest, I ain't never been a clown. Kept my legs closed, I ain't never been about. So I don't understand why you got your tongue on my name. Most bitches talk shit, then get punched in the face. Their name's done, and they don't call me that for nothing. Fear ain't in my blood, I ain't scared of nothing. I take the trash out, brothers won't play me, I blow their back out. I ain't with the he say, she say, get the strap out. Blood clot, then my tribe. Run on your oats like Lisa, left eye. Ain't no nigga left eye. It's plain and simple, they addicted to me. I keep it ghetto, then I flip it like a burger on heat. If you got money, then you better put your money on me. It's MOB, money over bum niggas indeed. Can't you see, you ain't pressing me. You never get the best of me. Chanel, Coco, TVs, nigga bitches belling me. They like my post on the ground, but they envy me. Snatching bitches, crimes, committing felony. I said no, I said no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. I said no, no, no, no, no. He's a slut, he's a hoe, he's a freak. Got a different girl every day of the week. He's a slut, he's a hoe, he's a freak. Got a different girl every day of the week. He's a slut, he's a hoe, he's a freak. Got a different girl every day of the week. Besançon a enfin trouvé sa radio. Radio Sud. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. I'm back where I belong. I never felt so strong, man. I'm back, I'm feeling like there's nothing I can't try. And if you with me, put your hands high. Put your hands high. You haven't lost a life before. This one's for you, me, put your hands high. Your dreams are filled, you're rocking with the best. I'll be on the song. I hear the tears of a clown. I hate that song. I always feel like they're talking to me when it comes on. Another day, another dawn. Another Keisha, nice to meet you, get the math, I'm gone. What am I supposed to do when the club lights come on? It's easy to be Puff, but it's harder to be Sean. What if my twins ask me why I ain't married a mom? Damn, how do I respond? What if my son stares with a face like my own and says he wants to be like me when he's grown? Damn, but I ain't finished grown. Another night, the inevitable prolong. Let's go. Another day, another dawn. Come on. Just tell Keisha and Teresa I'll be better in the mold. Another lie that I carry on. I need to get back to the place I belong. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. coming home. Tell the world I'm coming home. Yeah. Let the rain wash away all the pain of yesterday. Ain't no I know pain. My kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. Thank I'm you. Coming home. Coming home. Coming home. Coming tell home. The world that yeah. I'm coming. Hey yo, check this home. Out. A house is not a home, I hate this song. Is a house really a home when your loved ones is gone? And people got the nerve to blame you for it. And you know you would've took the bullet if you saw right. it. But you felt it, and still feel it. And money can't make up for it, or conceal it. But you deal with it, and you keep ballin'. That's why some liquor playboy, and we keep ballin'. Baby, we've been living in sin, cause we've been really in love, but we've been living as friends. Yeah. So you've been a guest in your own home. It's time to make your house your yeah. own. Pick up I'm the phone. Coming home. I'm coming home. Tell the world that I'm coming home. I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. Thank I'm you. Coming home. I'm coming home. Coming home. Home, check this out. Yeah. Home. Ain't no stopping us now. I love that song. Whenever it comes on, it makes me feel strong. I thought I told you that we won't stop till we back cruising through Harlem. These old blocks is what made me, saved me, drove me crazy, drove me away, then embraced me, forgave me for all of my shortcomings. Welcome to my homecoming. Yeah, it's been a long time coming. A lot of fights, a lot of scars, a lot of bottles, a lot of cars, a lot of ups, a lot of downs. Made it back, lost my dog. Miss you, big. But here I stand, a better man. Don't stop. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Coming home, oh. tell the world that I'm coming home. I'm coming home. Let the rain wash away feel so all good. The pain of yesterday. Feel so free. I know my kingdom. Ain't no place like away. Home, baby. And they're forgiving. Ain't no place my like mistakes. Home. I'm coming home. Tell the world that I'm coming. Radio Sud. Radio Sud. Turn my headphone down a little bit. Yeah. Yeah. How much money you got? How much money you got? How much money you got? How much money you got? A lot. How much money you got? A lot. How many problems you got? A lot. How many people done doubted you? A lot. Left you out to rot? A lot. How many pray that you flaunt? A lot. How many lawyers you got? A lot. How many times you got shot? A lot. How many niggas you shot? A lot. How many times did you ride? A lot. How many niggas done died? A lot. How many times did you cheat? A lot. How many times did you lie? A lot. How many times did she leave? A lot. How many times did she cry? A lot. How many chances she done gave you? Fuck around with these thighs. Every day that I'm alive, I'ma ride with this stick. I'd rather be broke in jail than be dead and rich. Told my brothers take my breath if I turn to a snitch. But I'm 21 for L, ain't no way I'ma switch. Penitential chances just to make a couple bucks. My heart so cold I could put it in my cup. Game versus the world, me and my dog, it was us. Then you went and wrote a statement and that really fucked me up. My brother lost his life and it turned me to a beast. My brother got life and it turned me to the streets. I've been through the storm and it turned me to a G. But the other side was sunny, I get paid to rap on beats. How much money you got? A lot. How many problems you got? A lot. How many people done doubted you? A lot. Left you out to rot? A lot. How many pray that you flaunt? A lot. How many lawyers you got? A lot. How many times you got shot? A lot. How many niggas you shot? A lot. How many times did you ride? A lot. How many niggas done died? A lot. How many times did you cheat? A lot. How many times did you lie? A lot. How many times did she leave? A lot. How many times did she cry? A lot. How many chances she done gave you? Fuck around with these thighs. A lot. I drove back home, 6 hour drive, 6.5. Before I left, I stopped by and seen my nigga 21 in the studio. Yeah, two of his kids with him right in the studio. That's when I knew. Stand up nigga, I love seeing shit like that. Question.